5-5 activation. Pronunciation of the sound R. Listen and repeat. Avoir. Au revoir. Sœur. Père. Mère. Frère. Nombre. Être. Pauvre. Travailler. Prénom. Robert. Marié. Mireille. Raconter. Argent. Georgette.